petite nouveauté à l'instant avec le dernier Pedro Diaz, This is the Sound, disponible en format vinyle chez votre disquaire cette semaine. Il est 17h très précise, excellente fin d'après-midi à toutes et à tous. On se retrouve tout à l'heure pour une session progressive aux alentours de 21h. Quant à la suite de la musique, voici ce suite Tony pour le reste de la programmation jusqu'à 19h. Et puis bien sûr Cyclone avec DJ Storm, 19h21. Et puis House Station à partir de 23h, entre donc 23h et 1h du matin, toujours présenté par Alex Kaya et puis Franck J. Je vous souhaite de passer un excellent week-end à l'écoute de la radio. Happy Days on Galaxy. My world's sturdy. Galaxy, merci à vous d'être branchés 95.30 www.galaxyfm.com et merci à Guillaume qui était avec vous cet après-midi depuis 13h. C'est Tony qui aborde avec vous cette soirée ce week-end jusqu'à 19h à laquelle vous retrouverez Didi Storm. We'll be right back.

la musique électronique est sur les ondes de Galaxy. Merci à vous d'être branchés sur 95.30 ou 3w.galaxyfm.com. Voici Magic Johnson. plaisir électronique et sur les ondes de Galaxy. Merci à vous d'être branchés. Restez calés tout le week-end. Beaucoup d'excellentes surprises vous attendent. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur le forum de Galaxy, /www.galaxyfm.com. Voici le dernier maxi du label La Planète. Circus à l'instant sur les ondes de Galaxy, un titre sorti sur le label Lanner du H2O. 10h à 18h dans 4 minutes, bonne soirée. 95.3 Galaxy. We'll be right back. Happy Days on Galaxy. Thank you. Dreams. Galaxy. Good for the mind. Galaxy. Good for the mind. 30, vous êtes branché Galaxy 95-30 ou sur le www.galaxyfm.com. À l'instant, c'était le nouveau maxi de Trent Moller. Je vous retrouve la semaine prochaine, lundi à partir de 17h. Vous allez retrouver tout à l'heure à partir de 19h l'émission Cyclone. Mais juste avant, quelques titres seront tout de même mixés par Digistorm, que vous pouvez d'ailleurs très très facilement contacter en allant sur le forum de Galaxy, accessible par le www.galaxyfm.com. Je vous souhaite une excellente soirée. We've got the music. You've got the style. This is Galaxy. will I see you again? 'Cause it's been such a long time since I've seen you, my friend. If I see you tomorrow, if I see you again, will I still feel your joy? Will I still feel the same? Can you still?